Excellence de Marie et son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, volume 2, 16e instruction, pour la fête de la pureté de Marie le 2 février. Dieu ayant résolu d'envoyer à son peuple le prophète Isaïe, pour lui reprocher ses prévarications, et lui prédire les châtiments que sa justice irritée était prête à faire fondre sur ce peuple coupable, voulut le disposer à cette importante mission par le moyen le plus extraordinaire. Il se fit voir à lui, assis sur un trône élevé, entouré de séraphins, dont les ailes voilaient en partie sa divine majesté. Ô Dieu, quel spectacle! Ô comme nos impuretés et nos souillures apparaissent énormes à l'éclat de cette lumière divine! Ce fut en effet la première chose qui frappa les yeux du prophète, aussi s'écria-t-il, « Malheur à moi! Malheur à moi de ce que je me suis tu jusqu'ici! Mais malheur à moi surtout de ce qu'ayant à parler, je ne puis le faire comme il convient, parce que mes lèvres sont impures, Isaïe 6, 5, que faut-il faire, ô mon Dieu, me taire, je ne le puis, parler, je ne le saurais, que ferais-je donc? Le prophète fut aussitôt tiré d'embarras, car voilà qu'un séraphin, emportant de l'autel un charbon ardent, vola vers lui, en toucha ses lèvres et les purifia de toute souillure. Ce charbon a touché vos lèvres, dit-il au prophète. Dès maintenant votre iniquité sera effacée, et vous serez purifié de votre péché, Isaïe 6, 7. Isaïe se sentant suffisamment purifié, s'offrit de lui-même pour remplir l'office de prophète. Ô céleste séraphin, venez aussi vers moi, et avec le charbon embrasé du saint amour purifiez mes lèvres impures, et enlevez-en jusqu'aux moindres souillures, car vous savez que j'ai un besoin bien plus grand de votre secours que n'en avait Isaïe. Il ne devait après tout que parler de transgression et de châtiment à un peuple revêche, mais moi, de quoi ai-je à parler en ce jour? J'ai à parler de la pureté sans tache de cette auguste Vierge qui peut vous servir à vous-même de miroir éclatant, puisqu'elle est en effet un miroir sans tache, et l'image de la divine bonté. Et ma bouche pourra-t-elle en parler avec la dignité qu'exige la pureté et l'excellence de l'objet? Ah non, je ne puis le croire, car mes lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont souillées, ibidem. Pourrais-je parler purement de la pureté de Marie, et puis-je espérer d'être écouté purement? C'est trop présumé de moi-même, et me promettre trop de ceux qui m'écouteront. Devrais-je donc me réduire au silence sur un si beau sujet? Je ne puis le faire. Que ferais-je donc? Je m'adresse à vous, ô ange de la pureté, et je vous supplie à mon tour de venir purifier à l'aide de votre charbon enflammé ma langue et surtout mon cœur, ainsi que l'oreille et le cœur de ceux qui m'écoutent en ce jour. Je m'adresse à vous, ô Vierge, dont la pureté efface celle des plus pures créatures. Je vous en conjure, ne vous indignez pas contre moi, si j'ose avec des lèvres aussi impures que les miennes m'entretenir de votre pureté immaculée. Mais qu'en dirais-je bien, mon cher frère? Devrais-je ou pourrais-je vous en retracer le portrait et vous la faire contempler telle qu'elle est? Ah, je n'ai ni les pinceaux assez délicats ni les couleurs assez vives, assez pures, assez éclatantes pour cela. Que ferais-je donc? Je m'adresserai à un peintre plus habile que moi, je prendrai le portrait qu'il en a tracé, et je vous dirai avec lui, en vous le présentant. Voici une image, un tableau qui vous met sous les yeux la parfaite virginité et la vie très pure de Marie. Confère Saint Ambroise, livre second, de Virginibus, chapitre 2. C'est sur ce modèle que vous réglerez la vie et la conduite que vous avez à tenir à son exemple, n'en doutez pas, il vous indiquera de la manière la plus exacte ce que vous avez à corriger, ce que vous avez à fuir, comme aussi ce que vous avez à pratiquer. Marie sera votre modèle et votre maître. Le premier motif qui nous anime à suivre un maître est sa noblesse, son mérite ou sa dignité. Or, que pouvez-vous trouver de plus noble que la Mère de Dieu? Quoi de plus éclatant que celle qui fut choisie par le Verbe divin, la splendeur de la gloire, pour être sa mère? Quoi de plus chaste que celle qui conçut dans ses chastes flancs la pureté par essence? Tel est le préambule que saint Ambroise adresse aux Vierges, c'est celui que je vous adresse à mon tour en marchant sur ses pas, et comme j'ai pris ce saint docteur pour guide dans ce prélude, je le suivrai de même dans tout le cours de cette instruction. Pour vous, suivez-moi, s'il vous plaît, comme je vais suivre les traces que m'a laissées ce grand saint. Entrons en matière. Je ne parlerai pas ici de toutes les vertus qui ont brillé dans la Vierge Immaculée, car qui jamais pourrait en traiter dignement, d'ailleurs fussé-je même en état de le faire, je ne le pourrais assurément pas en me restreignant dans les bornes d'un discours, il faudrait y consacrer des volumes entiers. Je ne parlerai que de la vertu que l'Église, en ce jour, nous propose spécialement d'honorer en Marie, je veux dire de sa parfaite pureté, expliquant d'abord en quoi elle consista et combien elle fut sublime dans Marie, ensuite quels furent les moyens qu'elle employa pour la conserver dans tout son éclat. Elle était vierge, non seulement de corps, mais aussi d'esprit, c'est par là que commence le saint docteur. Oh que ce trait de pinceau offre une ample matière à notre admiration, et surtout de quoi nous confondre et nous humilier profondément, si nous nous mettons en parallèle avec une pureté qui surpasse tout en blancheur et en éclat, qui pourrait espérer de copier un tel portrait. La virginité du corps est certainement bien estimable, on ne peut le nier, elle est surtout d'un très grand prix, si elle est accompagnée des autres vertus qui forment son cortège, mais elle ne nous surprend pas autant, parce qu'il n'en manque pas qui aient possédé ce riche trésor et les conservé intact toute leur vie. Moi aussi, me direz-vous peut-être, j'ose y aspirer, mais pour ce qui est de la pureté de l'esprit et du cœur, autant elle me force d'admirer Marie, autant elle me décourage et me fait perdre tout espoir de l'imiter jamais. Courage, mon cher frère, n'allez pas sitôt vous abattre, si vous ne pouvez parvenir à posséder cette pureté immaculée, qui brilla avec tant d'éclat dans Marie, tâchez au moins d'en approcher le plus qu'il vous est permis. La Sainte Vierge fut donc pure et sans souillure du côté du corps. Elle fut la première d'entre les femmes que l'on sache avoir consacré à Dieu sa virginité par un vœu. Ce fut le premier lys et le plus éclatant qui se soit élevé en la présence du Très-Haut, du sein de cette terre qui jusque-là n'avait produit que des ronces et des épines, et ses prémices furent si agréables à sa divine majesté, que si autrefois il avait protesté que son esprit ne demeurerait point parmi les hommes, parce qu'il n'était que chair, Genèse 6, 3, maintenant il se détermine à prendre lui-même une chair humaine parce que l'homme, changeant pour ainsi dire de nature, est devenu esprit. Le Très-Haut agréa l'offrande extraordinaire que lui fit Marie, et en échange que lui rendit-il, il s'offrit à elle pour fils, et à nous pour frères et pour rédempteurs. Mais l'offrande de Marie ne consista pas tant dans la consécration du corps, que dans celle du cœur, qu'elle conserva toujours pure et intacte. Et c'est là, dites-vous, ce qui vous surprend. Ce n'est pas sans raison, mon frère, Il est juste que vous admiriez la parfaite et admirable pureté de Marie, et j'ajoute qu'il est plus juste encore que vous fassiez tous vos efforts pour imiter en cela votre mère. Car de quoi vous servirait la pureté du corps si elle n'était unie à la pureté du cœur? Je ne connais point de femme, et pourtant je ne suis pas vierge, disait un grand saint, Saint Basile, l'état virginal peut se ternir par un simple désir du cœur, un désir contraire à la vertu angélique. Mais que puis-je faire, répliquerez-vous peut-être, moi qui ai si souvent l'esprit rempli de pensées et d'images horribles et dégoûtantes, c'est un petit mal, mon frère, que ces images assiègent votre esprit, il suffit qu'elles ne pénètrent pas jusqu'au cœur, je veux dire que c'est un petit mal d'éprouver les tentations et l'aiguillon du vice, pourvu que votre cœur les repousse, les ait en horreur, vous pouvez être un lys malgré cela, mais un lys au milieu des épines pénétrantes des suggestions criminelles et de mille autres choses de ce genre. Soyez assuré, mon cher frère, que ce n'est pas là ce qui déplaît à Dieu, vous pouvez m'émettre d'autant plus agréable aux yeux de sa divine majesté, qu'étant assailli avec plus de violence vous résistez plus vaillamment aux attaques. C'est alors le moment de montrer à Dieu votre fidélité, c'est le moment de prouver l'attachement que vous lui portez. La véritable et parfaite amitié se fait connaître, non au milieu des délices de la vie, mais au sein du malheur et de l'affliction. Proverbe 17:17. Montrez donc dans ces circonstances que vous êtes véritablement ami de Dieu, et enfant dévoué de Marie. Ne vous troublez point si vous ne réussissez pas à bannir de votre esprit ces sales pensées, ni à étouffer dans votre corps ces mouvements déréglés, il suffit que vous en teniez votre cœur constamment éloigné. Mais que fait-on, direz-vous, pour obtenir ce succès? Que dois-je faire pour empêcher que mon cœur n'admette rien de ce qui pourrait déplaire à mon Dieu? Je suis prêt à vous l'indiquer, mon frère, en suivant toujours le portrait que saint Ambroise nous a laissé de la très sainte Vierge. Pratiquez, vous dirai-je en peu de mots, pratiquez les moyens que la très sainte Vierge a mis en œuvre, bien qu'elle n'en eût certainement pas le même besoin que vous en avez, puisqu'ayant éteint en elle la concupiscence, elle n'éprouvait plus la lutte qui nous tourmente. Si néanmoins elle usa de moyens si efficaces, à combien plus forte raison ne devons-nous pas les employer, nous qui en avons un si grand besoin? Mais quels furent les moyens que pratiquait Marie? Je vais vous en indiquer quelques-uns. Premièrement, elle fut humble, et humble de cœur. Il ne pouvait en être autrement, vu l'étroite alliance qui unit la virginité à l'humilité, confère saint Bernard. Et comme Dieu se plaît à donner aux humbles la grâce nécessaire pour conserver facilement le précieux trésor de la pureté, aussi par un effet de ses justes jugements il la refuse à ses cœurs superbes, tout enflés de présomption. Le châtiment le plus digne d'un cœur orgueilleux, c'est de permettre qu'il se roule dans la fange, afin qu'au moins il apprenne par là à connaître sa profonde misère. Si donc nous ne voulons pas que Dieu nous laisse en proie au vice infâme, soyons humbles, mon cher frère, soyons humbles, mais humbles de cœur. Ce n'est pas une merveille que d'être humble en parole. Il en coûte peu sans doute de dire que nous sommes des pécheurs, des misérables, et autre chose semblable, mais quoique cela suffise pour faire un parfait hypocrite, il n'en est pas de même pour former un homme vraiment humble. L'humilité du cœur et non celle de la langue fut le partage de la très sainte Vierge, et telle doit être aussi le nôtre. Mais en quoi consiste cette humilité? Elle consiste dans une persuasion intime de notre néant et de notre misère, accompagnée d'un vif désir d'être regardé pour vil, comme nous le sommes, et par conséquent d'être toujours relégués au dernier rang, dédaignés et méprisés de tout le monde. Ainsi nous l'enseigne Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, et c'est là la véritable notion de l'humilité du cœur, c'est là cette vertu qui se trouva à un sublime degré dans Marie, et qui pourtant fut toujours si étrangère à notre cœur. Approfitons du moins de cette considération pour nous humilier, profitons de la vue même de notre orgueil, qui met le comble à toutes nos autres misères, soyons donc désormais humbles de cœur. Un autre moyen dont usa la Sainte Vierge fut la fuite de l'oisiveté, et l'amour du travail. C'est bien se tromper, mon cher frère, que d'aller croire que la sainteté consiste simplement dans la contemplation des choses célestes. Cet état de délicieuse oisiveté, s'il est permis de l'appeler ainsi, nous est réservé pour la céleste patrie, pourvu que nous demeurions fidèles à Dieu. Tant que dure cette vie mortelle, il faut travailler, pour accomplir la volonté de Dieu qui a voulu que nous fussions assujettis au travail, et beaucoup plus encore pour tenir notre cœur constamment en garde contre le vice opposé à la sainte vertu de pureté, Ecclésiastique 33, 29, l'oisiveté est la mère d'une multitude d'iniquités, mais surtout de l'incontinence, dit fort à propos Saint Bernard, celui qui refuse de s'occuper à des ouvrages utiles et dignes de l'homme, sera bientôt adroitement employé par le démon à des artifices diaboliques. Si donc vous n'aimez pas, mon cher frère, d'être vaincu et supplanté par l'ennemi, prenez garde qu'il vous trouve jamais oisif, soyez toujours utilement occupé. Je dis utilement, car je ne voudrais pas vous voir accroître le nombre de ces insensés qui, sous le spécieux prétexte de ne pas rester à rien faire, vont perdre le temps dans les jeux, les veilles, les bals, les festins et les conversations dangereuses. Il est trop ridicule de s'occuper à des riens pour fuir l'oisiveté, Saint Bonaventure. Que ce ne soit donc pas là vos occupations, mais livrez-vous au travail, à l'étude, à de pieuses lectures, à la prière et à d'autres exercices utiles. En troisième lieu, la Sainte Vierge usa toujours d'une stricte et sévère modestie, et d'une vigilance assidue sur toutes ses démarches. On ne vit jamais en elle, dit l'illustre docteur Saint-Ambroise, aucun geste efféminé, jamais un pas qui ne fut réglé par la décence, jamais on ne remarqua un mouvement qui ne fut dirigé avec une parfaite discrétion, jamais on n'entendit une parole, une syllabe qui ne respira la pudeur, la retenue, la sagesse, en un mot, elle fut constamment si attentive sur elle-même et si modeste, que la régularité de son extérieur était un indice manifeste de celle qui régnait dans son esprit, et l'image d'une vertu accomplie. Une bonne maison, continue le même saint, se reconnaît à son vestibule. Ainsi la modestie extérieure doit être un signe de la modestie intérieure, la seule qui plaise au Seigneur, ayez donc à cœur, mon cher frère, d'imiter encore cette belle vertu de la Sainte Vierge. Modestie en tout et partout, seul ou en compagnie, de jour ou de nuit, à la lumière ou dans les ténèbres, réfléchissez que vous êtes toujours en la présence de Dieu, devant qui il vous faudra paraître un jour pour rendre compte même d'une parole oiseuse. Qu'en sera-t-il des actions indécentes? Ne faites jamais ce qu'il est inconvenant de faire en la présence de Dieu. Modestie en tout, mais spécialement modestie dans les regards, Ecclésiastique 9, 8, détournez vos regards de la femme parée avec art, que, vos yeux ne s'arrêtent point à considérer la vanité, Psaume 118, 37. Veillez sur vos yeux pour ne regarder jamais ce qu'il ne vous est pas permis de désirer. Faites, à l'exemple du saint homme Job, un pacte avec vos yeux afin de ne penser jamais à la femme d'autrui. Remarquez qu'il serait inutile de faire avec l'esprit le pacte de ne pas penser, si vous ne faisiez auparavant avec les yeux celui de ne pas voir. Ainsi parle Job, 31:1, et c'est ainsi que nous devons agir. Quiconque regarde fixement un objet, montre le désir de l'acquérir. La modestie des yeux est tout à la fois l'indice et la gardienne de la pureté et de la modestie du cœur. Enfin, pour passer sur bien d'autres choses, la Sainte Vierge fut très amie de la mortification. Elle fut toujours éloignée de rechercher les douceurs de quelque genre qu'elles fussent, dans sa nourriture elle ne pensait point à satisfaire son goût, mais à pourvoir à sa subsistance, saint Ambroise. Elle ne songeait à prendre son sommeil que quand le besoin du repos la pressait, et ainsi du reste. Or si la très sainte Vierge se soumettait à toutes ces pratiques, bien qu'elle pût s'en dispenser, vu qu'elle n'éprouvait pas, comme nous l'avons déjà dit, les aiguillons de la concupiscence, funeste effet du péché originel. À combien plus forte raison devons-nous en user, nous qui en avons un besoin si grand? Prétendrions-nous conserver intact le beau lys de la pureté, sans les épines de la mortification, tandis que nous voyons Marie le conserver au milieu des épines d'une vigilance sévère et d'une mortification continuelle? Ôtons-nous cette erreur de la tête, mon cher frère. Si nous voulons efficacement conserver la virginité, ou au moins la pureté qui nous est possible, usons des précautions dont se servit Marie, soyons humbles et humbles de cœur, soyons ennemis de l'oisiveté et amis du travail, soyons modestes, soyons mortifiés. Goûtons-nous le modèle, cherchons en conséquence à le retracer en nous. Goûtons-nous la récompense éternelle dont jouit à présent Marie? Désirons-nous la partager un jour avec elle? Désirons-nous être à sa suite présentés à l'agneau sans tache? Voudrions-nous le suivre partout où il va, comme feront les vierges? Voudrions-nous chanter le cantique que nul autre ne pourra chanter? Imitons Marie, suivons ses exemples. Amen. Markend an Archivorg 2023, d'après Books Google et FR Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.